main. Aujourd'hui je prends sur moi, tu t'es servi de mon frère comme rempart, je repars à l'assaut. Moi aussi je veux dire mon mot, je ne laisse pas tomber, tout comme papa qui m'a toujours encouragé. Tapis dans l'amnésie et le silence, c'est un cri de tristesse que je te lance pour te dire si tu ne m'aimes pas, moi non plus. Pour dire papa est la plus belle mère que je n'ai jamais eue. Ce texte est court et est pour toi maman. Ces doux mots sont durs mais veulent dire tellement. Rêveuse de ne jamais t'avoir rencontré, rêveuse d'avoir une vie à succès sans excès. Et je ne pèse pas mes mots, j'aimerais crier que je te hais sans injurer en impro. J'aimerais revenir en arrière et mettre une nouvelle clause, mais c'est là où il y a le plus d'épines qu'il y a les plus belles roses. Trop de larmes. Je n'aurais cru que cela arriverait un jour. Des souvenirs de ton nom dans le couloir au grand jour. Les mains se levaient pour atterrir sur les joues de maman. Quelquefois tes mains formaient des points puis jaillissaient le sang. Assassin, voilà le mot qui te correspond. À ta place, je ne serais tranquille, même mort de honte. De toute façon, le temps nous atteint comme la toile d'un père. Et te revoir un jour en face de moi est ma plus grande crainte. Tu m'as battu dans mon enfance. Où étais-tu lorsque j'ai passé toutes ces nuits dans les rues de France? Mon grand frère à mes côtés, ceux de ma mère. Où étais-tu lorsqu'on a oublié toutes nos prières? On pleurait toutes les larmes de nos corps. Je vous raconte mon histoire, j'aurais voulu avoir eu tort. J'aimerais revenir en arrière et mettre une nouvelle clause, mais c'est là où il y a le plus d'épines qu'il y a les plus belles roses. Sa mémoire, le parc qui résonne le long du couloir. Des ans après, elle n'a pas donné la couleur qu'a pris son enfance abusée. Elle a pourtant du mal à accepter les regards pesants des hommes intéressés. Un jour pourtant, elle le sait, elle saura comment effacer les mains d'un père sur son corps innocent. Quand sa mère l'a laissé seule un instant, elle est trop de larmes qui s'échouent sur ma joue.